CGITFM vous présente le méga plein air show. Voici Yves Laroche. Bienvenue à votre méga plein air show du 11 juillet, émission numéro 229. Cette semaine, votre méga plein air show est consacré presque complètement à l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. On discute avec le directeur Alec Delarge, avec deux moniteurs, ainsi que quelques jeunes stagiaires. J'aimerais remercier aussi Mathieu Pouliot de Chasseau Maniaque à TVA Sport, qui m'a accompagné à l'Académie pour produire une émission sur celle-ci. De plus, on a une chronique CEPAC, ainsi que quelques nouvelles. Bon méga plein air show à toutes et à tous!